notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous prions s'appelle El Shaddai, le Dieu de toutes possibilités. Oui, il est capable de t'élever, même si tu ne connais personne. Je vais te dire, ton dossier que tu as déposé, même si tu ne connais personne dans cette entreprise, l'Éternel, ton Dieu, celui qui rend les choses impossibles possibles, il va faire en sorte que ton dossier sera retenu et tu témoigneras. Tu n'as pas besoin de te confier aux hommes. Tu n'as pas besoin de te confier aux fétiches. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Réveille ton mari, réveille ton voisin, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Marc chapitre 1, 9 à 13. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Marc 1, 9 à 13. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Amen. Trois leçons se dégagent de ce passage. Voici la première leçon. Suivons l'exemple de Jésus. Il était humble. Sachons donc cultiver l'humilité. Je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Peut-être que tu te dis, tu es déjà avancé dans la foi, tu as déjà plus de 10 ans, plus de 20 ans dans le Seigneur. Mais écoute-moi bien, mais tu souffres d'une maladie dont tu n'as pas le courage de t'humilier. Pour qu'un jeune, peut-être moins âgé que toi, qui est responsable dans l'église, qui a le charisme, il a le don de guérison pour qu'il puisse prier pour toi. Tu es gonflé, pourquoi? Humilie-toi. Il ne faut pas dire, comme je suis un ancien de l'église, comme je suis pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Tu dois apprendre à t'humilier pour qu'on puisse prier pour toi et ton problème sera débloqué. Est-ce que tu comprends? Jésus, il était plus grand que Jean-Baptiste parce que nous avons vu que Jean-Baptiste parler de lui en disant, celui qui vient après moi est plus grand que moi, plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de délier en m'abaissant la courroie de sa sandale. Mais c'est Jésus, curieusement, pour accomplir les plans de Dieu, il a accepté de se faire baptiser par Jean. Parce que Jean avait pour mission de révéler Jésus. Et il fallait que ce dernier accepte d'être plongé dans les eaux du baptême. Ça, il fallait être humble pour le faire. Oh, je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Tu dis que tu as l'onction, c'est bien. Mais écoute, il y a des points dans ta vie qui te manquent. Il y a des aspects dans ta vie. Il y a des enseignements que tu ne connais pas. Apprends à t'humilier pour suivre des enseignements avec quelqu'un d'autre, avec un homme de Dieu. Peut-être qu'il est outillé dans un domaine que tu ne connais pas. Mais il faut l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Je vais parler à un chanteur. Écoute-moi bien. Tu viens de faire sortir un album qui marche bien. Et les gens t'acclament par-ci, par-là. Mais il y a un danger pour toi. Parce que ton problème, c'est que tu n'arrives pas à t'humilier, à t'asseoir pour écouter des hommes de Dieu. Pour suivre des enseignements. Apprends à être équilibré. Est-ce que tu comprends? Parce que si tu n'écoutes pas l'enseignement, la parole de Dieu, si tu n'as pas un père chez qui tu peux accepter de te soumettre, mais toi tu vas d'église en église pour chanter, pour qu'on te donne le cachet ou l'argent, tu cours un danger, mon ami. Sois humble, quel que soit le succès que tu connais. La Bible nous dit, en ce temps-là, verset 9, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Deuxième vérité, l'obéissance à Dieu ouvre les portes du ciel. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Lorsque tu vas obéir aux instructions du Seigneur, à ce que Dieu t'a demandé de faire. Parfois, ça peut être des petites choses que tu négliges. Mais ces choses que tu négliges, dès que tu les mets en pratique, il y a le ciel qui va s'ouvrir. Et lorsque le ciel s'ouvre, il y a la gloire de Dieu qui descend sur ta vie. Lorsque le ciel s'ouvre, il y a la bénédiction divine qui descend sur ta vie. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu fais des affaires et ça ne marche pas. Il y a des gens qui te doivent plus de 20 millions et tu ne comprends rien. Mais le Seigneur te dit, parce que tu n'as pas encore obéi, le Seigneur t'a demandé de soutenir son serviteur, sa servante, mais toi tu négliges, tu mets à l'avant-plan tout simplement tes dépenses. Le Seigneur t'a dit, fais quelque chose pour mon œuvre. Dès que tu feras cela, ça va déclencher quelque chose dans le ciel. Écoutez bien, ici, il est dit au verset 10, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Pourquoi on dit au moment? C'est-à-dire à l'instant T, le temps qu'on appelle le kairos, le temps favorable. Si tu veux vivre ton kairos, le temps favorable où tu vas voir la main de Dieu au niveau de tes études, le temps T où tu veux voir la main de Dieu au niveau de ton foyer, obéis au Seigneur. C'est au moment où il sortait de l'eau. C'est-à-dire, il a fallu qu'il pose cet acte d'humilité et d'obéissance. C'est au moment, directement, automatiquement, lorsqu'il a fait cela, les cieux s'ouvraient et l'onction est descendue. Est-ce que tu comprends? Je vais parler à quelqu'un. Aujourd'hui même, si tu décides d'obéir à Dieu en faisant ce qu'il t'a demandé de faire, ça va déclencher quelque chose dans le ciel. Les cieux vont s'ouvrir et la gloire de Dieu va descendre sur ta vie. Des situations, des blocages que tu connais pendant des années, seront débloqués. Est-ce que tu comprends? Il a vu les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vie. Le Saint-Esprit nous donne la paix. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de servir l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que dans ton ministère, tu ne vois pas la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Oui, c'est vrai, tu as suivi une formation théologique et biblique, c'est bien. Mais ce qui te manque, c'est la puissance du Saint-Esprit. Marche dans l'obéissance. Il y a des choses que tu dois faire qui vont ouvrir les cieux pour que l'Esprit de Dieu descende sur ta vie. Et ton ministère va entrer dans une nouvelle dimension. Une voix se fit entendre des cieux en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque les cieux s'ouvrent, non seulement la gloire descend, mais Dieu lui-même va parler. Et quand Dieu parle, il y a quelque chose qui fait face. Quand Dieu parle sur ta vie, il y a quelque chose qui va changer. Troisième vérité, l'onction n'attire pas seulement que la gloire. L'onction attire également l'adversité. L'onction attire également Satan. Est-ce que tu comprends? Je veux parler à quelqu'un. Tu viens de te marier et ton mariage est un mariage glorieux. Tous les membres de ta famille, y compris tes ennemis, ils étaient étonnés. Ils ont fermé leur bouche parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu le nombre de cadeaux que tu as eu de la part de l'Éternel. Mais laisse-moi te dire, quand tu vois la gloire de Dieu, quand le ciel s'ouvre, ça attire également l'ennemi. Ça attire l'adversité. Je vais parler à un jeune serviteur. Écoute-moi bien. Tu es en train de connaître une popularité extraordinaire dans ton ministère. Des foules et des foules viennent. Dieu t'utilise puissamment. Mais fais attention. Parce que cette onction attire également l'adversité. Ne pense pas que tout ce qui vient dans ton ministère, dans ton église, sont de Dieu. Il y a des gens que l'ennemi a infiltrés, qui viennent pour te faire tomber dans la débauche. Et fais attention. Fais attention. Regardez ici. Il est dit au verset 12, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Vous voyez, aussitôt, c'est-à-dire après avoir reçu l'onction, après que les cieux aient été ouverts, c'est là directement Satan est entré en jeu. Vous voyez, Satan est entré en jeu. Bien sûr, Dieu l'a permis. Il a été tenté. Ici, le diable voulait maintenant barrer la route à Jésus. En quelque sorte, il voulait dire, mais je vois la mission de ce monsieur. Il veut pour sauver l'humanité. Il veut pour détruire nos œuvres. Et nous allons le pousser à pécher. Heureusement que le Fils de Dieu, ayant été tenté en toutes choses, il n'a jamais commis de péché. Mon ami, fais attention. Lorsque la gloire de Dieu descend sur ta vie, tu vas habiter de belles maisons, tu vas avoir de belles voitures, tu vas voyager partout dans le monde. Mais fais attention, cette gloire va attirer tout le monde. Ça va attirer les diables, ça va attirer les démons, ça va attirer les agents sataniques qui vont être sur ton chemin avec une mission de détruire, de chercher d'éteindre le feu que Dieu a mis en toi. C'est en cela que tu dois veiller, tu dois être vigilant pour demeurer dans la parole de Dieu, doux, demeurer dans la voie droite. Est-ce que tu comprends? Parce que il y a la tentation qui est là. La tentation d'abandonner Christ. La tentation d'entrer dans le monde. La tentation d'entrer dans des mauvaises connexions. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent souvent des connexions. Attention, lorsque tu veux être en connexion avec quelqu'un ou avec un ministère, il faut bien que tu pries le Seigneur pour qu'il te montre. Est-ce que celui avec qui tu entres en connexion est réellement de Dieu? Est-ce qu'il marche dans la voie droite de Dieu? La Bible dit, Paul disait à Timothée, fouille les passions de la jeunesse. Recherche la charité, la justice, la foi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vous voyez? Donc, on ne doit pas s'allier avec n'importe qui. Il y a des connexions qui peuvent te conduire dans le monde. Il y a des connexions qui peuvent te conduire dans le monde satanique. Donc, tu dois faire attention. Parce que ton ministère est florissant et il y a des agents de l'ennemi qui viennent avec une autre mission. Donc, tu dois veiller, ma sœur. Tu dois veiller, mon frère. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions le célébrer, l'adorer. Chantons ces cantiques. Zambi malamu, Zamba zali malamu, Yifelayi, Zambi malamu, Zamba zali malamu, Unisayi, Zambi malamu, Zamba zali malamu, Mitelayi, Zambi malamu, Zamba zali malamu, Alingata yomingi moninga yembelaye, Zamba zali malamu, Alingata yomingi moninga kunisaye, Zamba zali malamu, Zambi, Zambi malamu, Zamba zali malamu, Zambe, Zambi malamu, Zamba zali Papa Nanguya, Zambi, Zambi, Atuta Bolingo, Zambi, Zambi, Zamba Zali, Malamu, Zambi, Zambi, Malamu, Zamba Zali, Malamu, Mimilai, Zambi, Malamu, Zamba Zali, Kumbisai, Zambi, Malamu, Zamba Zali, Alingata Yomingi, Moninga, Yembelaye, Zamba Zali, Alingata Yomingi, Moninga, Zamba zali, Ringata yomingi moninga tombola ye. Zamba zali, malamu zambe. Zambe bolingo, Zambe, Zambe. Alala kate, Zambe, Zambe. Zamba zali, malamu zambe. Zambe malamu, Zamba zali, malamu zambe. Zambe, Zambe malamu, Zamba zali, Mindela ye. Zambe malamu, Zamba zali. Alingata yomingi moninga yembela ye, Zamba zali. Alingata yomingi moninga binela ye, Zamba zali. Zambe, Zambe malamu, Zamba zali malamu zambe. Zambe malamu, Zamba zali malamu zambe. Papa bolingo, Yawe, Yawe. Alala kate, Yawe. Zali Nzambe, Zambe, Zambe. Yeswa zali nguya, nguya, nguya. Yeswa zali nzela, nzela, nzela. Yeswa zali Nzambe, Yeswa zali Nzambe. Thank you. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Élevons nos voix, bénissons l'Éternel pour toutes ces vérités. Lui, le Dieu qui nous aime, qui nous garde. Sois béni, Éternel, notre Dieu, toi le Dieu qui a fait de nous tes amis. Tu nous as rachetés afin que nous puissions marcher avec toi. Sois béni, Seigneur, toi le Dieu qui a fait de nous tes intimes. Nous bénissons ton nom en ce moment, nous te glorifions. Sois béni, Éternel, notre Dieu, toi qui nous as choisis en Jésus, afin que nous gardions tes voies. Nous te bénissons, toi le Dieu incomparable, le Dieu vivant, le seul vrai Dieu. Sois béni notre Père et notre Seigneur, toi le Dieu plein d'amour. Merci Seigneur pour ton amour que tu nous as manifesté. Reçois en ce moment l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous sommes à l'émission OSB. Opération sur la brèche. Si cette émission vous a édifié ou vous édifie tout au long de cette année, vous avez vu la main de Dieu. Dieu vous a parlé. Vous avez l'occasion de témoigner. Vous pouvez nous écrire sur notre site web. Vous pouvez aussi téléphoner, oui, ici, à Fréquence Vie, où que vous soyez. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Le passage du jour, c'est Marc chapitre 1, versets 9 à 13. Nous venons de parler de l'humilité de Jésus. Jésus, il était plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, il a accepté d'être baptisé par ce dernier. Prions l'Éternel afin qu'il nous accorde la grâce de nous humilier sous la puissante main de Dieu, de poser des actes d'humilité, des maris qui ont offensé leurs femmes, qui n'arrivent pas à s'humilier alors qu'ils sont bloqués dans leur travail, dans leur promotion. Humilions-nous même dans le ministère. Acceptons que quelqu'un qui est le plus petit puisse parfois prier pour nous enseigner. Prions pour que Dieu nous accorde cet esprit de l'humilité et chassons l'orgueil au nom de Jésus. Père, ce matin, nous te bénissons et nous te glorifions. Ce matin, Père éternel, toi qui es Dieu d'éternité en éternité, nous exprimons notre reconnaissance pour tous tes hauts faits. Nous prions ce matin au Père éternel pour que les vertus d'humilité soient manifestées en notre sein. Nous prions au Père éternel et nous demandons que l'humilité soit notre façon de vivre. Tu as dit dans ta parole que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Jésus-Christ lui-même, par un exemple d'humilité, s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. C'est pourquoi, ô Père éternel, nous demandons dans le nom de Jésus-Christ que l'humilité fasse partie de notre être, que l'humilité fasse partie de notre ministère et que tout orgueil soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que l'humilité fasse en sorte que les maris fautifs demandent pardon à leurs épouses et que les épouses fautives demandent pardon à leurs époux. Que l'humilité fasse en sorte, ô Père éternel, que les servantes et les serviteurs de Dieu qui ont offensé leurs membres, qui ont offensé leurs proches, demandent pardon et soient restaurés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur toute forme d'orgueil. Nous prenons autorité et nous les lions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que l'orgueil ne prévaudra pas en notre sein. Merci Père éternel pour cette vertu d'humilité qui fait partie de notre être. Merci Père éternel parce que nous contribuerons ainsi à l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que l'obéissance à Dieu peut ouvrir les portes des cieux. C'est lorsque Jésus est descendu dans l'eau, lorsqu'il sortait, il a vu les cieux s'ouvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu connais un blocage dans ton travail, tu connais un blocage dans tout ce que tu fais, tes finances, tout ce que tu fais ne marche pas. Mais Dieu te dit d'obéir et les cieux vont s'ouvrir et la gloire va descendre. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, aide-moi à marcher dans l'obéissance. Et si tu as désobéi, demande-lui pardon. Il va encore ouvrir le ciel et la gloire de Dieu va descendre sur toi. Tu vas dire Seigneur, je veux expérimenter ta gloire. Je veux que les cieux s'ouvrent au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche. Nous voulons te dire merci ce matin parce que le souffle de vie que nous avons vient de toi. La vie que nous avons vient de toi. La grâce vient de toi. La miséricorde vient de toi. Le pardon vient de toi. Louange à toi. Pourquoi ne pas t'obéir? T'obéir pour nous, c'est notre salut, notre Dieu, notre Père. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Abraham a obéi à ta parole. Isaac est sorti. Anne a obéi. Samuel est sorti. Cette femme qui perdait son sang pendant 12 ans, elle a obéi à ta parole. Elle a eu foi en toi. Elle a été guérie. Aide-nous à obéir. Aide-nous à nous soumettre à ta volonté. Parce que sans obéissance, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas d'élévation. Il n'y a pas de miracle. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous croyons à ta parole. Et nous voulons obéir à ta parole. Aide-nous à obéir. Aide-nous à nous soumettre. Nous avons prié ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que l'onction n'attire pas que la gloire. L'onction attire également l'ennemi, l'adversité. Après la gloire, après l'onction qui est descendue sur lui, Jésus a été tenté dans le désert par le diable. Tu vas prier le Seigneur pour qu'il t'aide à résister à toute tentation. Tu vas prier le Seigneur pour que tout ce que l'ennemi infiltre, envoie pour te détourner de ta foi, pour te faire tomber dans l'immoralité, pour t'éloigner de Dieu, que réellement leurs œuvres soient démasquées sans effet au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, prie aussi pour le pasteur, le serviteur de Dieu qui connaissent la gloire, oui, pour que l'ennemi ne vienne pas étouffer l'œuvre ou bien l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole, merci pour la vie de ta parole à nous. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Merci Saint-Esprit pour cette grâce que tu nous as faite, de nous donner une portion de ta gloire pour nous manifester. Merci pour cette onction spéciale que tu nous as donnée pour faire ton œuvre, pour être obéissant, pour qu'une multitude soit convertie, pour qu'une multitude s'assemble pour t'écouter par ta grâce. Merci parce que dans cette multitude, le diable aussi envoie des méchants pour pouvoir ternir notre image, pour pouvoir nous empêcher d'être toujours fidèles à toi, de marcher dans l'amour, de marcher dans la crainte. C'est pour cela, Seigneur, que tous les agents du diable, pour vouloir ternir notre image, que leur projet macabre soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les pensées et toutes les voies que l'ennemi utilise pour pouvoir nous distraire, que ces voies soient obstruées, bouchées au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, pour tout ce que tu as mis à part pour glorifier. Père, je prie que tu leur donnes la sagesse, que tu leur donnes, oh Dieu, la connaissance d'être connectés, les dons spirituels, surtout le discernement, que ces personnes sachent choisir leurs amis et qu'ils soient fidèles à toi. Merci pour tous tes bienfaits en cette journée, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que le dimanche prochain, nous allons poursuivre notre thème « Comment éviter les mauvais départs ?» pour réussir votre futur mariage. C'est dans le cadre de bonheur conjugal. Donc, ce sera les dimanches à partir de 17h, dans le même endroit au CPE. L'entrée est libre. Que Dieu vous bénisse. À demain.